Yepa, salut à toi, salut à vous, bienvenue dans le retour de la guinguette. Voilà, c'est mardi, on est ensemble pour une heure sur le 895 de Radio Duo. Voilà, les beaux jours arrivent, c'est le printemps, j'avais déjà annoncé les premiers festivals ou festivaux, je sais pas si ça se dit, les festivals, oui ça se dit. Voilà, on commençait du côté de Seïssoukouzan, c'était il y a 15 jours, voilà, avec plus une programmation punk qui existe depuis plus de 40 ans. Et puis voilà, là, cette semaine, encore deux nouveaux festivals, allez on va dire festivals, notamment le festival Parole et Musique qui a commencé depuis mardi 20, c'est-à-dire aujourd'hui, avec une bonne programmation parce que ça me fait penser aux vieux Parole et Musique, avec pas mal de nouveaux artistes, des gens qui sont pas forcément connus et qui vont sûrement devenir connus. Voilà, c'était un peu ça le principe de Parole et Musique, même si on retrouve en grosse tête d'affiche encore nos amis les Ogs de Barbac, mais qui seront pas tout seuls car ils font une tournée avec La Rue qui est à nous. Voilà, ça sera du côté du Zénith le samedi 24 mai, avec notamment en première partie un groupe qu'on a reçu dans la guinguette, le groupe de Saint-Genès-l'Air, et pas que, ils sont un peu de partout maintenant, Alcabaya, et puis il y aura les Mécanos, pour ceux qui n'ont jamais vu aussi les Mécanos, c'est de la polyphonie, voilà, avec des textes ouvriers notamment, et puis des créations, voilà, ils sont passés notamment sur TL7, où là il y avait une belle interview de tous ces barbus, parce qu'ils sont tous barbus, alors voilà, et habillés en bleu, d'où les Mécanos. Allez, on va partir donc un petit peu sur le festival Parole et Musique, mais je vous avais annoncé, alors ils n'ont pas pu venir, il y a un autre festival ce week-end du côté de Saint-Germain-Laval, voilà, dans la Loire, le 23, 24, 25 mai, donc 2025, ça s'appelle Festival Chant de l'Aix. C'est la deuxième édition. Et là, il y a un peu de tout. Il y a des concerts, il y a de l'art de rue, il y a de l'animation. Il y aura des chapiteaux, il y aura de quoi se restaurer. Et on s'écoutera. Voilà, ils m'ont envoyé la revue de presse avec pas mal de petits groupes qui vont passer. J'ai écouté, ma foi, ça a l'air bien sympathique. Notamment, je pense que j'irai faire un petit tour ce week-end, le dimanche. Je pense que ça va être bien sympa. Alors, pour ceux qui ne savent pas où c'est, Saint-Germain-Laval, c'est entre Boin et Balbigny. Voilà, pour ceux qui se repèrent. Pas très loin de Seïssoukouzan non plus. Voilà, c'est à 15-20 kilomètres de Saï. Allez, on va commencer cette programmation en écoutant Loubiana. Alors, elle passe ce soir du côté de l'usine à partir de 18h30. Voilà, mais je crois que la plupart sont complets. Alors, je pourrais pas vous dire lesquels sont complets, mais la plupart des manifestations qui sont à l'usine ou à la comète sont pratiquement complets. Renseignez-vous avant d'y aller. On va s'écouter ça. Ça s'appelle Loubiana. On s'écoute Farafina Mousseau. To our daughters, to our sisters, to our mothers. Farafina Mousseau, Farafina Mousseau, Farafina Mousseau. You're stronger than you know. If the earth is a woman, if the sea is a woman, if the moon is a woman, I know God is a woman. If a man needs a woman by his side, a superwoman. If we all love a woman, then shall we respect our woman's daughters, sisters, mothers, warriors. Farafina Mousseau, Farafina Mousseau, Farafina Mousseau. You're strong. Indociles, lumière, lueur, éclair de nuit, vos champs de fleurs couvrent nos ruines. Écoute, les cœurs, j'écoute, vos cœurs. Qu'importe l'abîme, toujours revient la vie. Sisters, mothers, revient la vie. Warriors. voilà, voilà pour le morceau de Ljubljana qui passe ce soir du côté de l'usine à partir de 18h30. Et puis juste après, pour ceux qui veulent continuer leur soirée, il y a notre ami Pierre Lapointe, voilà, qui passe, lui, à partir de 20h30 du côté de la Comète. Allez, on s'écoute ça tranquillement. Toutes tes idoles sont déjà mortes, et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne, et tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche. Tu voudrais revenir en arrière, dormir dans le ventre de ta mère, refaire ta vie sans avoir peur, sans toutes tes conneries, tes erreurs. Mais tu te résignes sans y croire, en chantant tout ton désespoir sur une vieille mélodie, une suite d'accords défraîchis. Tu repenses au jour où tu croyais être aussi beau, être aussi vrai que ces poupées de paraffine, ces demi-dieux de magazine. Perdu dans ton monde lointain, vivant seul au creux de ta main, t'as fait le deuil de tes rêveries, intrus dans ton propre pays. Toutes tes idoles sont déjà mortes, et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne, tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche. Pour toi l'amour devient un jeu dès qu'un regard croise tes yeux. Usant de mille stratégies, tu gagnes à chaque fois la partie. Quand arrive la grande finale, tu les mords comme un animal et tu disparais dans la nuit jusqu'à ta prochaine lubie. Tu n'aimes pas voir des gens qui pleurent, ça réveille en toi la douleur de l'enfant devenu trop grand qui a appris à s'armer jusqu'aux dents, paré à tout faire exploser pour une fois de plus nous prouver qu'il est un soldat solitaire, un vagabond au cœur de pierre. Toutes tes idoles sont déjà mortes et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne et tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche. À force de chérir le passé, on finit seul épuisé. Un jour il faut faire la paix avec ses peurs, avec ses regrets. Faut apprendre à dompter la bête blessée qui sommeille en nous avant qu'elle détruise tout. Toutes tes idoles sont déjà mortes et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne et tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche. Pierre Lapointe, voilà, si vous voulez le voir dans le cadre de Paroles et Musique, c'est ce soir à la Comète à partir de 20h30. Allez, on va aller sur la journée du mercredi, voilà, avec un autre groupe, ça s'appelle Saint Graal. Et voilà, c'est bien sympa aussi. Et c'est ce mercredi 21 mai du côté de l'usine à 18h30. Je t'aime en un battement de cœur, en un battement de cils. Tu fais trembler la ville. Te dire que tu manques et que la vie sans toi n'a plus le goût de l'amour. Je t'emmènerai faire l'amour sur les plages que tu ne connais pas. Je t'emmènerai faire le plus beau des braquages pour qu'on parle. Et moi qu'elle brille moins que toi. Je crois que tu m'assassines de flèches dans la poitrine. Te force pas la main, je sais que tu vaux mieux que moi. Forcément romantique quand on parle de toi. Ça s'appelle Saint Graal. Voilà, ça passe du côté de l'usine à partir de 18h30 demain soir. Et du coup, on va s'écouter un autre artiste qui va passer, lui, le même jour, mais à partir de 20h30 du côté de la Comète. Ça s'appelle Sylvain Dutu, que je prononce bien. Et on va s'écouter ça tout tranquillement, si ça veut partir. Pourquoi ce soir on n'irait pas danser très tard, même si c'est pas ton genre, je sais, même si tu es plutôt discret. On parlera de tout, de rien, on fera le monde, j'y connais rien. On se dira ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu être, mais ce qu'on aurait pu être, mais qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Jamais le temps de rien. Dans l'océan, garder le lien. Paris, Biarritz, avril ou juin. Pas beaucoup vu, vie dans les trains. Les disparus sont jamais loin. On a eu de la chance, non. C'est pas que de la chance, non, non. On a eu de la chance. C'est pas que de la chance. Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? C'est Sylvain Dutu, voilà, il passe à la Comète à partir de 20h30 demain mercredi. Et puis le soir même, vous pourrez retrouver alors une autre que j'ai bien aimée, elle. On va se l'écouter. Elle s'appelle Asvar Shamzi. Alors c'est dur à dire. Amzar Shamzi, je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, allez, on s'écoute ça tranquille. Thank you. Je mettais des faces B dans ma chambre, comme si c'était planète rap. Même les murs ils en avaient marre, mais j'avais des trucs à dire. J'avais les émotions, mon cœur j'avais de la peine au fond. Je rappais avec la veine au front. Depuis j'ai grandi, nouvelle douleur sous les habits. Je serre les dents, les canines, je le fais de façon mécanique. Tellement c'est fluide, ils croient que c'est facile. Quand y'a l'amour, y'a la magie. La musique c'est que pour la famille. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Jamais ça va pas, j'dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. J'ai pas de lunettes de soleil, j'ai rien à cacher. Ni la tristesse, ni le manque de sommeil. J'suis venu cracher ce que j'ai dans l'abdomen. J'suis sincère, j'suis pas malhonnête. On grandit, on les jette pas nos rêves. Et Youssef il tient sa promesse. C'est la famille avant l'oseille. Let's go, j'suis pas au studio comme à l'usine. Si j'me sentais moins seul, j'ferais sûrement pas de la musique. Et tu brilles, tu brilles, tu brilles. J'écoute l'amour, j'écoute Pacifique et j'écoute Extra Lucide. J'dis jamais ça va pas, j'dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, d'autres sortes de problématiques. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Arrive David Trezeguet. Il a évité le regard de Buffon, Trezeguet, les yeux fixés sur le ballon. David, oh, flamme. Ça s'appelle Asfar Shamsi, voilà, ça date de 2006, le morceau que je viens de vous passer. Et du coup, c'est bien ce que je vous disais, elle passera jeudi 22 du côté de l'usine. Et là, on va s'écouter Lisa Pariente qui passera à la Comète à partir de 20h30. Et ma foi, c'est sympathique comme tout. Voilà, une programmation très chanson française pour ce Paroles et Musique, voilà. Je sais. Je suis pas parfaite, parfois un peu conne et je serai la reine de la fête quand tu auras plus personne. Tu le sais, c'est toutes mes maladresses, mes montées d'hormones, tu connais. Ouais, le gras de mes fesses dit que je suis bonne. Ça aurait dû être une belle romance, mais je t'emmerde. Tempérament, t'es frais, ouais. Un peu trop pour toi, jamais assez pour moi. Je sais, c'est. Je fais un peu peur, pardonne mes erreurs. Mais tu sais, c'est. Que tu me regrettes, non c'est trop bête. Ça aurait dû être une belle romance, mais je t'emmène. Tu fais de la peine, lâche ton téléphone, va gérer tes problèmes. Tes humeurs et névroses, ta façon de dire je t'aime. J'ai trouvé ma couronne, toi t'as perdu ta reine. Toi t'as perdu ta reine. Regarde, regarde, regarde, regarde-moi. Être la meilleure version de moi-même sans toi. Regarde, regarde, regarde, regarde-moi. Être celle dont tu rêves et que tu n'auras pas. Regarde, regarde, regarde, regarde-moi. Être la meilleure version. Casa Pariente. Voilà, ça va passer du côté de la Comète à partir de 20h30 ce jeudi 22. Et puis voilà, on va aller sur la prog du vendredi. Alors comme je vous disais, ouais, cette année, c'est chanson française, mais c'est très pop quand même. Alors la dernière soirée, on finira par elle, où il y a quand même un peu plus de chansons françaises, un peu plus engagées, comme je vous disais, avec voilà déjà deux groupes stéphanois en première partie, Les Mécanos et Al Kabaya, et puis Les Ogs de Barbac avec La Rue Quête à nous. Allez, on repart avec un autre groupe, ça s'appelle Jay... Alors c'est très dur à dire leur mot. Jeuillère. Si on s'aimait grave, j'aurais pas contre qui me bat. Demain on tourne la page, même si on n'a pas les mêmes cartes. On criera peace, gardez vos armes. Quand nos ennemis crieront peace, ça sonnera bizarre. Donc on répondra par peace. Faites place aux autres. Écrasez-vous ou faites l'inverse, mais assumez. S'ils voient pas le feu de votre âme, éteignez-vous ou étouffez-les avec la fumée. Haut les mains pas pour saluer. Défilez vite puis fuyez. Criez sur le chemin, peut-être le prochain sera aiguillé. Moi ils m'ont éclaté les yeux, ceux qui priaient. Peace, gardez vos armes. Quand nos ennemis crieront peace, ce sonnera bizarre. Donc on répondra pas. Je veux voir vos gestes contestataires. Vos ennemis vont rester à terre. Bagarrer le monde pour le bien ou le mal. C'est qu'on fera face à nous-mêmes à terme. Ah merde, je crois que c'est vrai ça. Faire la paix, c'est penser, c'est plaire. Je pourrais pas te faire un dessin. Si on s'aimait grave, j'aurais pas contre qui me batte. Demain on tourne la page, même si on n'a pas les mêmes cartes. On criera peace. Gardez vos armes, quand nos ennemis crieront peace, ce sonnera bizarre, donc on répondra par peace. Ça s'appelle Jeu R. Voilà, c'est le seul concert qu'il y aura de gratuit pour le festival Parole et Musique, sauf les paroles de Zinc dans les bars. Voilà, ça se passe du côté de Tréfilerie, voilà, vers la fac Jean Monnet. Voilà, ça à partir de 23h et c'est gratos. Allez, on va écouter Oshi, pour ceux qui connaissent. Allez, on s'écoute un petit Oshi. Et elle passe au Zénith à partir de 19h. Je veux quitter la scène, étendre le studio. Mais qui me relève quand c'est toi qui m'achève? Sortez-moi de ce mauvais rêve. Non mais allô, c'est trop facile quitter comme ça le bateau. Et toutes nos promesses, les foutre à l'eau. Je viendrai te chercher à la nage. Reconnaîtrai ton visage, même si ton cœur fait naufrage. Tu sais quoi, je vais arracher tout ce qui parle de toi. J'apprendrai même si c'est pas mon choix. Ouais, t'as tout niqué cette fois. Souviens-toi, ta personne préférée c'était moi. Même sur cette chanson j'entends ta voix. Mais je peux plus y croire pour toi. J'ai pas envie d'avoir 30 ans sans toi. J'ai pas envie de dire aux gens tout ça. Si c'est pas nous, moi j'ai pas d'autres plans. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? J'ai pas envie qu'on me dise que ça passera. Il faudra bien guérir du mal de toi. Mais dis comment trouver le médicament. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? Je voudrais rallumer ta flamme, nous faire cramer de bonheur. Mon électrocardiogramme, bah en fonction de ton cœur. Je voudrais créer un hologramme pour retrouver ton odeur. Mais je peux passer ça le drame, t'es ma 404 erreur. Tu dis que je suis rien qu'une enfant, mais on voulait deux enfants. On avait déjà leur prénom, je voulais voir ton ventre rond. T'aurais recoupé ta frange et mélangé nos phalanges. T'aurais offert mes deux reins et même après tu te souviens. Tu sais quoi, je vais arracher tout ce qui parle de toi. J'apprendrai même si c'est pas mon choix. Ouais, t'as tout niqué cette fois. J'ai pas envie d'avoir 30 ans sans toi. J'ai pas envie de dire aux gens tout ça. Si c'est pas nous, moi j'ai pas d'autres plans. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? que t'as tout foutu en l'air. Mon cœur qui va le recoudre. J'ai brûlé ta marinière. On avait eu un coup de foudre. T'es parti en un éclair. J'espère que tu penses à moi quand tu te perds dans son corps. Cette conne ne connaîtra pas le vrai toi qui valait de l'or. Et quand tu vas décaper ton petit cœur avec du chlore, c'est mon reflet que tu verras dans une piscine de remords. Tu vas me quitter encore longtemps. K.O. En une heure à peine, tu m'as mis K.O. Je veux quitter la scène, éteindre le studio. Mais qui me relève quand c'est toi qui m'achève? Oshi, elle sera du côté du Zénith à partir de 19h ce vendredi 23 mai. Mais comme je vous dis, je crois que la plupart sont déjà pleins. Et c'est plein à déborder. Allez, on va quand même. Il y a quand même une petite prog stéphanoise. Ça, ça fait plaisir parce que voilà, c'est pas tout le temps qu'on a des stéphanois dans Paroles et Musique. Il y a toujours un petit groupe en général. Là, il y en a deux. Et c'est pour la grosse soirée que je vous disais, qui a vraiment l'esprit guinguette, l'esprit de l'émission que vous écoutez sur le 895 de Radio Audio depuis des décennies. Voilà, il y aura les Ogs de Barbac avec La Ruquette. Donc, c'est pas les groupes séparés. Ils jouent ensemble. Ils font une tournée ensemble. Je crois que ça va durer un an, comme ils avaient fait avec les Hurlements de Léo sous le showdrome. Voilà, c'est les Ogs de Barbac qui vont jouer. Alors, je sais pas l'heure, mais ça, je pense que ça va commencer à partir de 20h30. Et en première partie, à 18h, il y aura les Mécanos. Des Stéphanois que je vous disais qui font de la polyphonie. Et puis le groupe Alcabaya à partir de 18h. Allez, on s'écoute direct les Mécanos. Voilà, pour ceux qui les ont jamais vus, moi je les ai vus qu'une seule fois dans le Cantal. Et ben ça va faire plaisir de les réécouter. La mine est basse et l'œil brillant. Là-haut, chemin du brûlé. Ils ont tué des innocents. Ils ont tué des innocents. Il faudrait reprendre le travail, comme si rien ne s'était passé. Je crois n'en être plus capable. Ils ont tué des ouvriers. Ils ont tué des ouvriers. Des mots matimés les varaillent pas. Mais nani raille pas travailla, bien moussou me révara une pao, à soquer ma mot pourri en fa. Des mots m'a dit, mais les varaille pas, mais nani raille pas travailla, bien moussou me révara une pao, à soquer ma mot pourri en fa, à soquer ma mot pourri en fa. Nous sommes rentrés sans dire un mot, décidés que c'était fini. Laissant outils, l'immérabot, je ne fabriquerai plus de fusils. Je ne fabriquerai plus de fusils. Mes mains cultiveront le jardin, j'aurai même quelques animaux. Mon bleu habillera un pantin, pour effrayer les étourneaux. Pour effrayer les étourneaux. Des mots matimés les varaille pas. Mais nani raille pas travailla. Bien moussou me révara une pao. A soquer ma mot pourri en fa. A soquer ma mot pourri en fa. S'il faut arrêter les machines pour faire entendre notre voix, alors on bloquera l'usine et on réclamera nos droits. Et si une fumée noire et dense inonde à nouveau la vallée, plus de patrons, plus de cadence, l'usine sera aux ouvriers. L'usine sera aux ouvriers. Les mots matimés les varaille pas. Mais nani raille pas travailla, bien moussou me révara une pao, à soquer ma mot pourri en fa. Des mots matinés ne raille pas, mais nani raille pas travailla, bien moussou me sauter ma mot pour triompher, à sauter ma mot pour triompher. Les Mécanos des Stéphanois en bleu de travail qui reprennent des chansons ouvrières, mais pas que. Voilà, je vous invite, comme je vous ai dit en introduction, à aller du côté des reportages sur TL7. Alors, je ne sais plus dans quelle émission ils sont passés. En tout cas, ça vaut le coup d'aller voir. C'est très très sympa ce qu'ils font. Voilà, c'est pas de la chorale, ils disent. C'est de la polyphonie, mais en tout cas, c'est très très. C'est à voir, vraiment à voir. Allez, on repart avec un autre groupe stéphanois qui était passé dans la guinguette, mais à l'époque, il n'y avait pas de batterie. C'était vraiment chanson française. Là, c'est un côté un peu plus rock. On s'écoute ça, c'est Alcabaya et puis on finira avec les Ogs de Barbac et la rue qui est à nous. Encore aujourd'hui, quand je regarde le ciel, je me demande pourquoi il y a toujours pas d'hirondelles. Faisant le grand voyage, on les aurait mis en cage, voguant de nuage en nuage. Elles étaient pourtant de passage. C'est peut-être un mirage, mais je sens le grand virage. Il est temps de tourner la page, éviter le grand naufrage. On cantine dans nos coins, les discours on les tient, la réalité nous échappe et le profit nous happe. On met les mains sur les yeux, on dit que demain ça ira mieux. Ce n'est pas moi, c'est eux. Je n'y peux rien, j'ai que demain. Allez, viens, viens t'allonger dans les herbes folles. Ce mélange, ces odeurs, ferme les yeux, perd contrôle. Sentir le vent sur nos visages qui nous frôlent. Le temps s'arrête, mais t'inquiète, on aura oublié. Les nids, on le tient, dur de le laisser filer. Cramponne à notre destin, on se l'imagine, ça fait du bien. On retient ce qui nous plaît, on s'intéresse qu'à nos plaies. Autour de nous, on s'en fout, autour de nous, c'est pas nous. Accroché à notre rocher, qu'on sait si bien s'approprier. Tout ce qu'on touche est à nous, de notre voisin, on est jaloux. Pour un bout de terre, un joujou, on est prêt à se mettre à genoux. Cette masse est victime de l'ignorance et du spleen. Offrir à nos enfants de l'eau, de l'air et du vent. Auquel pléonasme, ça relève même du fantasme. Et des vagues écumées, du passé pétrolier. Laissons-les rencontrer, laissons-nous aller. Allez, viens, viens t'allonger dans les herbes folles. Ce mélange, ces odeurs, ferme les yeux, perd contrôle. Sentir le vent sur nos visages qui nous frôlent. Le temps s'arrête, mais t'inquiète, on aura oublié. Alors changeons nos plans, qu'est-ce qui nous attend? Rien ne sera comme avant, alors qu'est-ce qu'on attend? Lâchons les consoles, reprenons la boussole. On a perdu nos repères, des replis communautaires. On avance à l'impro, guidé par notre ego. Nos relations calibrées par les réseaux sociaux. Emoticônes et selfies, des générations de smombies. On voit tout et partout, sauf devant nous. Combien faut-il de dépression pour faire monter les actions? Combien faut-il de guerre pour faire monter les enchères? Du tourisme voyeur, voyager pour se rassurer. On se laisse même griser par la pauvreté. Allez viens, viens t'allonger dans les herbes folles. Ce mélange, ces odeurs, ferme les yeux, perds le contrôle. Allez viens, viens t'allonger dans les herbes folles. Ce mélange, ces odeurs, ferme les yeux, perds le contrôle. Sentir le vent sur nos visages qui nous frôle. Le temps s'arrête, mais t'inquiète, on aura oublié. Al Kabaya, ça sera dans Paroles et Musique, le dernier jour de Paroles et Musique. Voilà, en première partie, des ogs de Barbac et de la rue Quétanou. Voilà, on en a fini pour ce festival. On va aller laisser quand même une petite chanson des ogres et de la rue Quétanou, parce que c'est bien guinguette comme on aime. Et puis après, on va parler du festival de Saint-Germain-Laval dans la Loire, qui a lieu le 23, 24, 25 mai. Et voilà, un festival qui s'appelle le Festival Chant de l'Aix. C'est la deuxième édition. Voilà, ça dure 3 jours. Il y a à manger, il y a à boire, et il y a de la musique, il y a de l'art, il y a tout ce qu'on aime. Voilà, tranquille. Allez, on se la finit pour ce festival Paroles et Musique avec les ogs de Barbac et la Ruquette. Elles sont peut-être les folles de Nevers ou de Séville. Des bracelets qui farandolent, des boucles dorées qui sourient. À une robe de gitane, une gitane que l'on rencontre sur une scène à macadam ou une histoire que l'on raconte. Où la musique c'est elle et la fête. La Marita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane, Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane. Elle chante pour tous les printemps, tant de vie et ses gros temps, mais elle n'a pas vu rester. L'âme gitane ne fait que passer. Elle se suscite 100 fois par jour pour dire on ne brade pas l'Algérie ou bien l'amour. Ces choses-là ne repoussent pas. Et la musique c'est elle. Et la fête fait son entrée. La Marita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane. La Marita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane. Elles portent des marques du voyage et savent très bien nous y faire croire. Rien qu'à la regarder danser, cherche pas à comprendre, y'a qu'à y aller. Ni femme de marin, ni putain, je sais qu'elles repartiront. Des joies de gens dans une main et une valise lisse, pleine de chansons. Où la musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole. Comme des fous pour se payer des clous à clouer sur leur feuille de vie. Mais la mort est sans bagage. Moi de tout cela je ne veux rien. Les poches vides et le cœur plein d'amour qu'une gitane m'a laissé. Où la gique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane, Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane. chante. Chaque jour à la caserne, je trace un petit bâton à la craie sur la cloison, en attendant un jour de terme pour pas mourir à la tâche. Dans ma vareuse pistache, je cache mon existence dans les lieux d'aisance. Et dans ce repli du monde, ma pensée vagabonde avec une marguerite, j'attends Marie des Guérites. Conseil de réforme, je me suis présenté en forme de grand échalas, en dépit de mes pieds plats. Je suis passé sous les drapeaux, je suis passé sous les ciseaux, sous la tondeuse et la toise et le petit toit d'ardoise. Et dans ce repli du monde, ma pensée vagabonde avec une marguerite, j'attends Marie des Guérites. En attendant qu'elle inspecte mon petit établissement, je nettoie, je désinfecte jusqu'à l'éblouissement. Nue sur une peau de bique, elle fait l'objet d'un tableau, objet d'une mosaïque cachée derrière la chasse d'eau. Et sur ce beau brin de blonde, ma pensée vagabonde avec une marguerite, j'attends Marie des Guérites. Tourner en rond dans le carré des saisons et dans les commodités, j'ai le temps de méditer la morale des dictons qui fleurissent sur les murs et dans l'esprit des griffons malgré l'action du bromure. Et dans ce repli du monde, ma pensée vagabonde avec une marguerite, j'attends Marie des Guérites. Il paraît que Diogène habitait dans un tonneau. Moi mon prénom c'est Eugène, je l'écris dans les goguenots. Parmi les dessins obscènes qui constellent la paroi, je fais des petites croix pour chasser le cafard d'ébène. Et dans ce repli du monde, ma pensée vagabonde avec une marguerite, j'attends Marie des Guérites. Chaque jour à la caserne, je trace un petit bâton à la craie sur la cloison, en attendant un jour de perme à cause d'un obus en gêne sur la cabane à Eugène. Ma carrière de biffin brutalement a pris fin. Et sur le chemin de ronde, mon âme vagabonde sous une marguerite, j'attends Marie des Guérites. Vous l'avez reconnu, je l'avais oublié, il passe pour Parole Musique ce jeudi 22 mai à la Comète à partir de 20h30. On le joue depuis 15 ans sur le 895 de radio, même plus je crois, même presque 20 ans. Thomas Fersen, voilà, qu'il faut pas louper. Allez, on l'avait dit, on va le faire. On va aller du côté du festival qui a lieu ce week-end à Saint-Germain-Laval dans le 42. Donc le 23, 24, 25 mai, ça s'appelle Festival Chant de l'Aix. Voilà, c'est la deuxième édition des concerts, de l'art de rue, de l'animation, des chapiteaux, de la bonne bouffe, notamment ce vendredi, ouverture des portes à partir de 19h pour un PAF de 10€ et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Premier groupe, Doun Doun Fo, percussion et chant d'Afrique de l'Ouest. Après, il y aura Commandant Coustou, c'est du calypso, on va s'écouter un morceau et puis ça va finir avec LMZG, Electro Swing, voilà, techno cuivré, et puis entre mi, il y aura des DJ sets entre les intersènes. Et le plat du jour pour ce vendredi, c'est de la rogaille saucisse. Allez, on s'écoute Commandant Coustou. Pushayanka, ayona wilonao. Pushayanka, ayona wilonao. I would like to talk. talk about those we never talk about. A massacre of history in 19th century. Arosini, Hashem, Hashem on humanity. Arosini, Hashem, Hashem on humanity. The eye will not smash the whiteness. For God's sake, they would do their best. Starving to death until to the last. People wiped out in a blast. Jeff Wittas, attack a bagado. Concac paonis, la Navajo. Jeff Wittas, attack a bagado. Concac paonis, la Navajo. Like a strange and stormy cloud blowing in a wind of exodus. A massive quad of flaying souls, damned to warm as anonymous. Arosim, the Hashem, Hashem on humanity. Arosim, the Hashem, Hashem on humanity. As the wind is turning, the snow keeps falling on the green dusty prairies. With the icy winter and the wobble of sender came the seventh cavalry. Children surrounded by fire, implore heaven, but it's too late. Do not fear, but let your heart be strong when you hear the fire bullet. Arosim, the Hashem, Hashem on humanity. Arosim, the Hashem, Hashem on humanity. Now the snow has melted, but we remembering bloody mud and frozen bodies. Lost are dancing forever around a great plains of woody need. Yet we das attack a bagado, con campaonis puna tarajo. Jacqui das attack a bagado, con campaonis puna navajo. S'appelle Commandant Coustou, voilà, c'est dans le cadre du festival de Saint-Germain-Laval dans la Loire, ce 23-24 mai 2025, et Commandant Coustou y passera ce vendredi pour un paf de 10 balles avec deux autres concerts. Allez, on va aller sur le samedi. Alors le samedi, ouverture des portes à partir de 13h30, c'est prix libre jusqu'à 18h30, et puis il y aura pas mal de groupes là. Vraiment une bonne prog, comme tout le monde, satire clownesque par la compagnie Mouche à Mouche. Il y aura de la magie et de l'hypnose avec Vox, le temps d'un petit café, spectacle burlesque, voilà, le temps d'aimer, il y a plein de temps, un duo de clowns par la compagnie Vanubida. Masque larvaire, c'est la déambulation par la compagnie du cerf-volant. Et puis le soir, voilà, il y a Tutti Bueni, Tzigan Groove, il y a les chénopodes de l'afro-rock, il y a Alpoclock, qu'on va s'écouter un morceau maintenant avec des rocks cuivrés, et il y aura Zunra Meets On Clayfield, et c'est pas facile là, tous ces groupes avec de l'électrodub. Voilà, et le plat du jour, ce sera jambon au foin. Allez, on s'écoute ce petit morceau. En tout cas, la prog m'a l'air bien sympathique pour ceux qui veulent faire un tour à la campagne du côté de Saint-Germain-Laval. We'll be right back. fabriant de leurs bottes. Toutes nos racines ont résisté. Qu'importe les gaz, les pesticides, scandales dont nous sommes arrosés. Faut dire que leur engrais est fertile, nourri par autant de fumier. Des privilèges plein les poches et déconnectés du réel. Des principes et valeurs fantoches, des frasques et des fraudes à la peine. Une caste issue des mêmes écoles, des mêmes préceptes, la même morale qui vient vomir sa bonne parole dictée par le grand capital. Sonne le temps des récoltes d'un printemps ivre de colère. La compagnonnée par la force ressurgira dans nos artères. Laissons-nous lutter vent debout, frères ces sœurs de misère. Déracinons tous ces voyous pour qu'enfin la vie prospère. Gouvernants asservis, ils creusent et creusent le fossé, toujours avec ce même mépris. Profit et rentabilité, les maîtres mots de leur empire. Quant à leurs yeux, l'humanité est synonyme de marchandise. La division pour le règne, la répression pour seule réponse. Et quand le peuple et la terre saignent, ces inconscients regardent leur montre. Nous sommes l'après, ils sont l'avant, nos souffles chauds sur leur col blanc. Nous sommes l'après, ils sont l'avant, nous sommes l'autre et leurs mains chantant. Sonne le temps des récoltes d'un printemps ivre de colère. La grande baïonnée par la force ressurgira dans nos artères. Dressons-nous, luttons, vent debout, frères et sœurs de misère. Déracinons tous ces voyous pour qu'enfin la vie prospère. Ton œuvre nauséabonde par ta fenêtre. Oh petit mouton égoïste, dis-moi comment c'est la panurge. Oh petite planète moribonde, puissions-nous arrêter cette purge. Oh petit monde, oh petit monde, te voilà seul maître d'un monstre. Oh petit monde, oh petit monde, admire ton œuvre nauséabonde. Oh petit monde, oh petit monde, oh petit monde, oh petit monde, oh petit monde, oh petit monde, oh petit monde. Ça s'appelle Up O'Clock, j'avais dit Alp, mais non, c'est Up O'Clock. Voilà, ils jouent ce samedi dans le cadre du festival de Saint-Germain-Laval, le Chant de l'Aix. Voilà, ça sera le samedi, voilà, tranquille pépère. Allez, c'en est pratiquement fini de l'émission, je vais quand même vous dire la programmation du dimanche, les portes ouvrent à 13h30 et c'est prix libre. Voilà, il y aura des duos de clowns, du solo de cirque, des déambulations, de la magie, et puis il y aura des animations, des jeux, des friperies, du maquillage, atelier à prix libre. Et le dimanche, ça sera pizza au feu de bois. Si vous voulez plus d'infos sur le festival, www.bistrolechevalblanc.fr. Voilà, un grand merci aux organisateurs qui m'ont filé voilà toute la musique et puis la revue de presse. Vous pouvez aller du côté du Cheval Blanc. Voilà, c'est un bar associatif qui est sur la place de Saint-Germain-Laval. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Moi, ce week-end, je serai forcément du côté du Zénith pour aller voir les Ogres avec la Ruquette. Et puis peut-être dimanche, j'irai faire un tour du côté de Saint-Germain-Laval. Allez, ciao ciao babouille, portez-vous bien. Vous savez, comme d'habitude, à partir de 20h, c'est Pata Negra, les musiques espagnoles, et après la France pue ou l'autre. Ciao ciao, portez-vous bien, à plus, ciao. 89.5 de Radio Duo, on est des Garania, mais on bat, j'espère pas.